Vous écoutez toujours Futur Simple sur CKRL, vous êtes toujours au 89.1, il est 18h, l'heure de retrouver notre chroniqueuse nutritionniste Karine Gravel qui va nous entretenir aujourd'hui des édulcorants. Donc l'aspartame, le sucralose sont ces exemples de sucre artificiel que l'on retrouve dans les produits alimentaires qualifiés de diète ou sans sucre, et comme les boissons gazeuses par exemple, la gomme à mâcher. Mais la question est-ce que ces sucres artificiels sont vraiment sans calories? Bonjour Karine, as-tu une réponse à ça? Bonjour Valérie. En fait, les sucres artificiels qu'on appelle aussi des édulcorants sont sans calories, mais à l'exception de l'aspartame. Donc, un gramme d'aspartame, ça contient 4 calories. Mais comme son pouvoir sucrant est 180 fois supérieur à celui du sucre, bien, la quantité qui est ajoutée au produit alimentaire est tellement petite que la part en calories est négligeable. Donc, ça ne vaut même pas la peine d'en parler à ce moment-là. C'est pour ça que c'est sans calories. Et ce qui est intéressant, bien, c'est que malgré l'absence de calories, mais certains chercheurs se demandent si les édulcorants n'auraient pas pour effet d'augmenter le poids corporel. Mais c'est un peu surprenant, ça, finalement. Pourquoi cette question? C'est très surprenant, effectivement. Donc, intuitivement, on pense qu'utiliser les édulcorants au lieu du vrai sucre, là, ça permet de faire perdre du poids ou au moins de pas gagner de poids. Ouais. Mais des données observationnelles suggèrent le contraire. Donc, dans ces études-là, on voit que plus la consommation d'édulcorants est élevée, plus le poids corporel a tendance à être élevé aussi. Mais en même temps, il faut être très prudent quand on interprète des données observationnelles. C'est-à-dire que c'est pas parce que la consommation d'édulcorants et que le poids corporel augmente en même temps qu'on se dirait qu'il y a une affaire entre les deux. C'est ça. Autrement dit, la hausse de poids qu'on voit dans ces études-là, elle pourrait être attribuée à autre chose qu'à la consommation d'édulcorants. Mm-hmm. Et j'imagine qu'il y a aussi d'autres études, finalement, dans d'autres études, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il n'y a pas de perte de poids en utilisant des édulcorants, parce qu'il doit y avoir aussi des études qui montre ça. Oui. En fait, il y a quelques hypothèses qui ont été proposées par les chercheurs. L'une de celles-là, c'est que les consommateurs d'édulcorants auraient naturellement tendance à manger davantage d'autres aliments, mais probablement pour compenser le déficit en calories des aliments édulcorés, ce qui fait qu'à la fin de la journée, le nombre de calories consommées serait le même, que les aliments soient édulcorés ou non. Une autre hypothèse, c'est que le goût sucré provenant des édulcorants aurait pour effet d'augmenter l'appétit et l'envie de manger. Mmh. Donc, c'est comme si le goût sucré combiné à l'absence de calories, c'était quelque chose de contradictoire pour le corps, parce que le corps, si ça goûte sucré, il est habitué de recevoir de l'énergie, et là, il n'y en a pas. Donc, les édulcorants amèneraient à manger davantage pour compenser ce déficit-là en calories, mais c'est toujours à l'étude. Je pense qu'il y a encore beaucoup à découvrir sur les édulcorants. Et qu'est-ce que disent les résultats des recherches scientifiques sur les risques de la santé, pour la santé associé à cette consommation d'édulcorants? Oui, est-ce qu'il y a des résultats là-dessus? C'est controversé. Hein? Les édulcorants de synthèse, comme l'aspartame qui est commercialisé sous les noms de NutraSweet et Egal, ou le sucralose, qu'on nomme plus souvent Splenda, ils possèdent, eux et les autres aussi, les édulcorants, ils possèdent une dose journalière acceptable. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est qu'à partir des normes établies par Santé Canada, il faudrait consommer des quantités astronomiques d'aliments pour exposer sa santé à des risques. Donc, j'ai fait des petits calculs rapides. Pour être à risque, quand on a un poids normal, il faudrait, par exemple, boire 20 canettes de boissons gazeuses diète par jour ou manger 30 petits yogourts sans sucre au courant de la même journée. Mmh. Donc, on est loin d'en arriver là. Et du côté des sucres alcool, comme le maltitol, le sorbitol, le mannitol, s'ils sont consommés en quantité importante, ils peuvent causer des problèmes gastro-intestinaux, comme des ballonnements, par exemple. Et finalement, en tant que nutritionniste, est-ce que tu suggères de consommer des aliments édulcorés? Mais d'une certaine façon, le goût sucré des aliments édulcorés encourage la consommation de sucre, favorise une certaine habitude, puis même, moi je dirais des fois, une certaine dépendance au goût sucré. Ah. Autrement dit, plus on en mange, plus on a le goût d'en manger. Personnellement, et c'est mon opinion, je crois qu'on aurait avantage à s'habituer à manger moins sucré plutôt que d'ajouter toujours des édulcorants dans les aliments. Puis, pour faire une analogie, on observe un phénomène semblable avec le sel. Donc, plus on mange salé, plus on a besoin, besoin d'ajouter du sel à ses aliments. Et si, graduellement, on diminue le sel, on finit par préférer les aliments qui sont moins salés. On découvre du goût et les mêmes tout à coup. Donc, on pourrait faire la même chose avec le sucre. Et bon, pour en revenir au goût sucré, là, la consommation d'aliments édulcorés peut aussi amener à diminuer la culpabilité à manger les aliments sucrés auprès de certains consommateurs, certains mangeurs. Et au bout du compte, ben, ils peuvent en manger davantage parce qu'il y a un faux sentiment de sécurité, parce qu'il y a des édulcorants dans l'aliment. Donc, finalement, je crois qu'il faut demeurer critique parce qu'il y a beaucoup de publicité, de marketing là, qui provient de l'industrie des aliments sans sucre, des aliments diète, et ça peut amener les consommateurs à penser que les aliments édulcorés sont nécessairement des aliments santé sans que ce soit nécessairement le cas. OK. Donc, on va être un peu plus vigilant à ne pas se faire en berlifique par tout ce que nous produisent les fabricants. Alors, merci beaucoup. Et puis, Karine, merci.